nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB pour Hent ar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriou ar Vuhez, l'émission 434, Père en Père à Trégonde. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va voir un mot court d'une seule syllabe, c'est barn. Alors qu'est-ce que ça veut dire barn? C'est un mot donc féminin qui veut dire le jugement. Jugement. Et donc, avec la mutation derrière l'article, ça donne Ørvarn, hein, le jugement Ørvarn. Alors, c'est un vieux mot celtique hein, qu'on trouve en gaélique aussi, qu'on trouve en gallois et qu'on trouvait également en gaulois. Un peu plus long, barnomon, hein, qui voulait dire juge. Donc, tous ces mots hein, viennent d'une racine celtique qui est barn. Donc, Ørvarn, le jugement. Alors ça, ce qui m'a fait penser à ça, c'était une sorte de guerre que chantait Arne Maïpennec de Pumrit, qui était Ørvarn Général. Mm-hmm. Ørvarn Général, qui était une chanson de Jean Maïhent, dont on a eu l'occasion de parler déjà, qui était de l'Henri Vin, et donc qui est une chanson en 45 quatrains. Donc 180 vers. Tu vas pas tous nous les faire, Henri. Non, que Arne Maïpennec chantait sans sourciller, par cœur, hein, et qui est sur un air que j'ai jamais entendu dans une autre guerre ni dans une autre chanson. Je vais essayer de chanter le premier quatrain. Miniwa désignan hudu de gozéal, dimeusen deves bras de ze varn général, médor garufen entreprun commenceut, gouleur en eus y cour, dimeus autre ou doué. Donc, c'est quelqu'un qui se dit avoir été chargé de raconter le jugement dernier. Mm-hmm. Et alors, qu'on appelle aussi Ørvarn Diwezan. Donc le moment où on va séparer les damnés et les élus. Et alors c'est extrêmement plein de clichés très effrayants bien sûr hein. Et bon qui résume un peu cette conception de la religion, une religion un peu effrayante quoi. Et l'air est très solennel hein. L'air est très solennel, oui. Et puis comme c'est répété comme ça inlassablement hein, 45 fois, ça fait une impression envoûtante, oui. C'était et en plus en maille elle faisait ça sur un air très solennel, donc c'était donc c'est comme ça que j'ai appris ce mot Ørvarn, le jugement. Alors c'est un mot donc qui a donné le verbe barn aussi hein, qu'on allonge des fois chez nous en disant barnin hein, et dont le participe passé surtout est le plus connu hein, qui est barnet jugé, barn des bédins. Il a été jugé. Alors, il y a des mots dérivés, par exemple, barnaden, hein, le jugement aussi, un mot un peu plus long. Alors, c'est un mot féminin aussi, donc ça donne Ørvarnaden. Barner, le juge. Hein. On entend ça aussi, barner, pour les membres de jury, hein, quand il y a des concours. Hein. Donc, barn, alors... au pluriel, c'est barnerien, et comme c'est un nom de personne, un pluriel de nom de personne qui se termine pas en ou, il y a une mutation, on dit ørvarnerien. On entend souvent ça dans les concours du camp Nørrebøgle ou des choses comme ça. Voilà. Alors, d'autres dérivés, par exemple, divarn, sans jugement. Ragvarn, un préjugé. Alors, préjugé, il y a plusieurs mots. Hein. Ragvarn, c'est un préjugé en général. Et Trøsvarn, c'est un préjugé défavorable. Voilà. Alors, Lesvarn, bien sûr. Lesvarn, un tribunal. Hein. Voilà. Ça. Alors, il y a toutes sortes de tribunaux. Hein, des correctionnels, des assises, la Cour de sûreté de l'État. Bon, voilà. Un véritable maquis de tribunaux. Hein. De toute façon générale, vaut mieux pas avoir affaire à eux, ni les uns ni les autres. Alors Barnerezel a un adjectif un petit peu long à mon goût, qui veut dire judiciaire. Je pense qu'il vaut mieux tourner les choses autrement que de faire des choses trop longues. Barnadus, c'est jugeable. jugeable, par exemple, par un tribunal. Il y a toujours des, alors dans, entre les tribunaux, des problèmes de compétence, hein, le tribunal qui se déclare incompétent, quoi. Il dit que quelque chose n'est pas jugeable, n'est que barnadus, hein. Voilà. Alors, varne générale, on en a déjà parlé. Et puis, on utilise parfois dans les chansons, on trouve, hein, pour le jugement, le mot français, hein. Par exemple, dans leur plat hiverne, hein, on dit « Red et l'art, ni one down » de ce jugement de doué. Mm. Hein, les deux jeunes, là, qui s'amusent beaucoup, et puis ça leur porte pas chance, quoi. Voilà, la fille part en enfer, et puis son copain va la voir. Enfin, une chanson très, très répandue dans les... Non, tu dois chanter ça, certainement. Non, c'est vrai, non, chante pas. Tu chantes pas ça. Bon, ben voilà, Grême Montantro, War Varne. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Prézonec Tant Matin. Alors aujourd'hui, pour notre braison Noctem Matem, là, j'avais envie de rectifier une erreur. Ça, c'est pas facile, rectifier des erreurs, parce que quand il y a une erreur dans la nature, elle se répète, et c'est plus facile à convaincre, c'est plus facile à propager qu'une vérité. Hein. Alors, il s'agit du blé noir, hein, qu'on appelle aussi le sarrasin. Et en breton, on l'appelle itu, edu, quoi, hein, ou guinisdu. Ça dépend des endroits. Et alors, une erreur qui est largement répandue, c'est de dire que le blé noir n'est pas une céréale, mais une plante de la famille des polygonacées, ce qui est vrai. Et alors, j'ai encore un article, là, un article paru dans Ouest France, là, hein, donc le 7 avril 2014. Et il y en a régulièrement où on dit le blé noir donc n'est pas une céréale. Et alors ils ajoutent par exemple dans celui-ci le blé noir qui n'est pas une céréale appartient à la famille de la rhubarbe. C'est-à-dire qu'il y a en fait une confusion entre la classification par usage et la classification par botanique. C'est-à-dire qu'on assimile le terme de céréale à celui de graminée, qui sont deux classifications qui n'ont rien à voir. Alors on va essayer de clarifier. Alors les céréales, donc, alors ça vient de la déesse des moissons chez les Latins qui s'appelait Cérès. En grec c'est Déméter. Et donc une céréale c'est une plante qui est utilisée pour sa graine, la graine dans l'alimentation humaine ou dans l'alimentation des animaux. Et en général d'ailleurs c'est utilisé sous forme de farine. soit sous forme de farine, soit sous forme d'aggloméré issu de la farine. Voilà. Et donc, le blé noir est bien une céréale. Alors, la confusion vient du fait que le blé noir n'est pas une graminée. Alors, la plupart des céréales sont des graminées. Par exemple, le seigle, l'orge, l'avoine, le blé et le maïs aussi. Hein. Et donc, en fait, le blé noir est pratiquement la seule céréale qui ne soit pas une graminée, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve toujours cette erreur qui se répète et qui se répétera, parce que une fois que c'est dans la machine, on peut pas la faire sortir. C'est un peu le problème des moyens modernes de communication. Une fois qu'une erreur est introduite, il est pratiquement impossible de la corriger. Et donc, voilà, on lira encore ça pendant très longtemps, certainement. Alors que, quand on consulte, par exemple, les dictionnaires, hein, le blé noir est toujours cité comme une céréale. Bien sûr, puisque c'est une plante qu'on utilise pour sa farine, voilà. Alors, le blé noir, une polygonacée, alors elle a des caractéristiques, évidemment, comme c'est pas une graminée, il n'y a pas de paille au sens strict du terme non plus, hein, donc il y a un feuillage, il y a des tiges, hein, mais qui ne constituent pas une paille. Et il a aussi d'autres caractéristiques, c'est qu'il se bat plus tard que les autres. Hein. Et pendant longtemps, d'ailleurs, il s'est battu au fléau, alors qu'on avait commencé à battre autrement les autres céréales, comme ça se battait fin septembre, début octobre, et que les gens souvent n'avaient pas de grandes parcelles, on pouvait le faire au fléau. Mmh. Et je me souviens avoir vu battre le blé noir au fléau quand j'étais gamin. Alors, parce que le blé noir était vraiment la céréale domestique. Souvent, d'ailleurs, les gens avaient un moulin à blé noir. Ils envoyaient les autres céréales au moulin, mais ils faisaient la farine de blé noir à la maison avec un moulin, un petit moulin avec une meule comme ça, qu'on tournait avec une manivelle. J'avais une grand-tante qui en avait un autrefois. Je le revois encore très bien. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais... En pierre? La meule était en pierre, ouais. L'entourage était en bois. Et il y avait une trémie dessus, quoi, qui permettait de faire tomber le grain entre les deux meules. La meule dormante et la meule tournante. Voilà. Et donc, c'était vraiment une céréale domestique. Hein. On faisait la farine et puis ensuite, on faisait les crêpes, quoi. Hein. C'est Stendhal qui avait écrit dans un de ses ouvrages que les Bretons de la zone bretonnante se nourrissaient de galettes de blé noir. C'est un peu restrictif quand même, quoi. Il oubliait les patates. Il oubliait les pommes de terre, oui. Et la bouillie d'avoine aussi, hein, qui était très utilisée à l'époque dans l'alimentation. Voilà. Alors on reviendra un jour peut-être sur le blé noir, il y aurait pas mal de choses à dire. En particulier, bon, que c'est vrai que c'est une culture qui a failli disparaître en Bretagne, ce qui était paradoxal, puisqu'on a toujours continué à faire des crêpes de blé noir, enfin, ce qu'on appelle des galettes en Haute-Bretagne, avec du blé noir d'importation, hein, de un peu partout, de Chine, de Canada, de Mandchourie même. Et maintenant, bon, il y a une indication géographique protégée, une IGP, sur le blé noir tradition Bretagne, et on produit quelques milliers de tonnes chaque année quand même en Bretagne. Et bon, c'est à souhaiter que ça se développe, hein, parce que c'est quand même intéressant d'avoir du blé noir local. Guinness-Dû. Eh ben, Grémemont tombe trop voir Guinness-Dû. On passe à la troisième partie d'émission, Pétrasonné vers vous. Thank you. troisième partie d'émission, Petra Zonévé Arvro Eri. Petra Zonévé Arvro, calze drau e vel jus boerve, je dis vous en. Krogom de dianton vel kiz a custum grandela bourdour, hag e vu e war armez. Tostad a ram bremant deus ur blad au vil pemzeg, hag ba blad au vil pemzeg jus ma de vo komzet calz deus ur pak, pe ur vo ur pak neve. Hag ur pag e ur politikerez vid de la bourdouar, vid de bro Europa. A setu bon kalzedrao vo chanchet barz ur pag, a herve kleve de vo kolet kalzer an gant vretonet, dreistol gant e zaverien lez hag gant e zaverien zout. Zout vid e hit evel just. Anke pe sa mod vo kont, met gwellet vo. Ba blad au vil pemse give vo fin ar hotaio. Hotaio a bet krou tre gant glaso, jonge mord meus de se, pe dur de houl se oa bet kalz heureuz gant se e vi harz hotaio. Hag e bremañ vo reuz e vi de mironet, met bon, redi ouz a de bremañ, bon, red o hor, heb e hotaio. Hag den bet benefin o war just ma vo an dravat pe an draval, ma trezen vo mat, ma trezen o val, gwellet vo. Met or chanch mont braz vo me mestra. Ur gudenel zo bremañ ba videlar bourdoua, e un embargo, velvelar din galak vlour, un embargo deus breiz, deus bro Russia, war bouet, tout ur bouet deus oton deus bro Europa, a deus bro Amerik evel just. A kalz embre gere zi oam ba breiz, gas a bouet de bro Russi, da skoer legumaj bouet lez pe kik, ki parl ba da skoer, hag bord vek gwar a pisa mod vo kont ma trezen le bardo ke ze gwal bel, me ma bat fe pel ve fe bit an dra di pitus vid un dud zo labour adam me war da chen ur bouet, gwalet vo. Hendel ba vro an me man prestig vo mar e ur homiso, homis vi kanton kalag me zang zo ba fine mizest, hag vid kanton San Nicolas, vo ba de c'hwer bizgen golo ou ba la ruen. Bon, war da chen en ekonomi ez bremañ, lignen ti, lignen train ti ez braz, hein, de spar iz bet hag roazon, hein, havoun iz war rog, labour yo hamat, hag ben bla dovil saitek, et le fe ka de vefe bet echu labourio hag bon vo gonet wardro nantera trepar iz ar roazan bon gwellet vo pez a mod vo kon me deja zo labourio ba gario vel ba zambrieg ba gwen gant ma zo labourio vi rotaz un TGV nevez bon wardach en ur higmor zo kude no roaz gant un tilaz an gat ba Chosselin, jonge peu soit bezer de un tilaz en Lampol Gemilio, a bromeneur sekab, zo père a noir un tilaz en gad ba Chosselin, zo kazer y un ti. Bon, ma trezen vokad on an menek de rada posé, mais de ne que zur. Hein. Bon, a que zive febe don tolval, pudur zo, wadro eis kan du do labour ad ba un tilaz en ba gad. Bon, dans moi, un temps vraiment war d'achen ar zévenadur hag ur yez. Kalz e drau ezo bekinig d'un dud pa d'ar vakanso evel just, evel kiz a custum. Ba gwell plin un danou de blam, ezo be kalz e dud o tansal, kalz e dud o kanon, zon er yon oa neu betor pu dur nevek, ne oa ke begred honkour vid kaz zon er yon de gourin, pu dur ze oa begred ba la ruen ba mizeen, ah, c'est une wak de Médonan, me semble, bah, on court vide Bignou, Bignou Bras à Bignou Cause. Vélo chance, ou étude au son de Drugen Gaul, à que on court Drugen Gaul, zobit. À que étude de Zevro, en me de Zbider Prige, ou hein, étude en avemad, hein. Zonerien en avemad, bon. Troer Chapeliou, zobé mat, madoir, blanc meroas, à que zobé calze dud, hein, bébio, hein. Hag un inidi ouzan zo ba chapel Loc Maria ba rostren, enfin, oa gogel deus bonen, bremañ zo man ba par ouz rostren, evit hadlan son gant vide l'encens, Gwell leur ficelle. Peont comps de Sgwellio à de Spardonio, bah, Huervad, Pesvelard de Vieux Marché in Galag, Wabekrou de Trigun Lasso, pardon ze Wakrou et Pelrog, mais là que zo bedor pardon tre Vusulmanet hag Gristenien, a ze Wabekret gant lui Massignon, wa on den ampard war religion hag Dreistol war an Islam. Hag bon pelzo e ed Massignon de Norman, ou l'un, bah, blad dao a Triugen, de ze Han Vedel, med me mestra der an traoù ba werfet. Vid ur seizan e fez. Bon, ba karno ed veder ador telvenu, hein. Bon, la ke zo neub de hoaz, a ba mis gwengol ou volak a reel, a dis vo o nan a hantor kant, a gansé a han traoù mod vid traounien d'ar zen ba karnoet. Bon, un tro breiz ar zo bet blan me c'hoaz. Bon, blan me c'hez un tro breiz deus dinan beta gwenet pez ra benefin un tamma de kilometer, hein. Pem daug un le, ma dre tout, hag bon war ur zun. Hag bene blan vo gred un tamm c'hoaz, hein, peut-il, ve gred un tro breiz an ur seiz lam. Veje o gontandar de splade nous o deign mez, hag blan meus o deign mez evel just in i londet fall, ur strolat zo ran mat bavro, hag zo startij en mat, gante, hein, bon, ran an mat e ran an gebleiz a mart vassalo vid kan, hag po de gitar e Mark Twenon, hag po de violons e Berto, a vraiment mon Thomas Lotou quand de Vombart ba strola de Londres fall ba place Sabine Roidou bonne Hendels au calz bladen ou avait une bande d'herbat avait non que vide l'Arden tout mais au bijard du Reguel même Stras au tiers modèle bladen ou avait une bande de Brice ne ce que Gual Belzo Waranda Chanel ou Abed Igor de Rad Digor d'Ur Pond, bah, Ilion, à Ur Pond Grain, Grand Arel de la Noé. Hag bon, Ur Pond zo Azer de Pelzo, fin Ur Brezel, mais vraiment, Rad Digor de vie de Veloyo, hag un dud au Valle, hag bon, zézo un Draval, d'un vel juste, un vie, Mirou d'Ur Glad. Bon, Ur Glad, comme vous obécals de The West France, Hermar et Mont, peut dire, Dégatri Hugen Vlasso, Abécrou et de West France, Baroise, Gan l'honneur battude, Zewa, Niver Indien, Tanoa de Seiz et Vizest, Herbla, Père à de Hugen. Hag, Bénéfine, et Bécrou et de War Rivine ou, Ur Gela Onel, Ur Gazette Enel, ou à Ouest Éclair. Mais Ouest Éclair, ou à aide, on t'en mal, ou à rue une alamante de pas de Brezel. Ah, c'est, tu vois, que moyen de mire une mameuse noun, à Wabit, crew de Ouest France. Mais pas de pelle, me jonge, à Péwan Bian, une derne de zendu, d'air et l'art de Ouest Éclair. Un de glace Ouest Éclair, quoi. À gagner, ou à Ouest France, quoi. Bonne. Ne ce que Gual Belzo et Belac de Gis ou à Roller Glad bah vos France à voir ma mestro et Gis Père à ces on drava des vel juste puis en Gis on tombe des heures glad des vel juste hein. Bro France à Dreistol en man ba Brice ba bon Normandie V hein. Bon Végenom ze revel en war a gazette nous pi war scrum Alan Stevel, der à Caen ou à Zon, à Gouscout, et n'est que de Zereyo ou en Chine, puis j'aurais dégla trugen, ma war en mode, à bon, obligea du Réguel, me mestra, der à Monde, der à Roy. Au nom d'un, échu, dit Garrière, un vraiment, et Bernard Benoît, à Hézoa, aux Zon, leur guitare, à Zobet de Bru de Tré, au Remar, et Zobet, à Gare, à Zon, Ils ont là de 12 ans. Bonne chance dans de garder les vibes. Plus juste. De Jean Rohus au en avant-mode, puis on y voit scrive dans le livre. Ils voient qu'il est né, ou alors il est né, gazin. Ag, scrive dans le livre, fils de Plouc, ou à Bégré, au Pays de Léverté. Ag, ou à vu, bénéfine. Ag, bon, ne scrive au livre névé, ag, ils ont rendu de liberté, fraternité, inégalité. Jean-Jalran, les heures, ag, ils ont plus juste de laine. Bon, c'est tu même grain, on tombe trop, voir pessonné et bavrou, ma 13 année pointe, il me dit rond, à galardeur, ben, norvégel, qui est la voix, qui est norvégel. Qui est la voix, Eri.